Chapitre 19, page 151, exercice 4. 1. Mathilde a surpris une conversation entre ses amis et elle a deviné qu'on lui préparait une surprise. 2. Je pensais que cette conférence serait originale, mais je n'ai entendu que des banalités telles que « S'il y a davantage d'inégalités, c'est que les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. » 3. Oscar a commencé par proposer des solutions avant d'avoir vraiment étudié le problème. C'est illogique. 4. Le document que m'a donné l'élève n'a aucun ordre, aucune logique, on n'y comprend rien. 5. La fin de ce film est difficile à croire. C'est à la fois trop compliqué et peu vraisemblable.